Don Bosco, Douiman. Bonjour, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Nous parlons dans ce journal des pourparlers d'Arusha après l'annulation ce matin de la séance d'ouverture solennelle des travaux du second round des pourparlers interburundais. Le facilitateur Mkapa doit recevoir pendant ces trois jours les différentes parties les unes après les autres, ce qui lui permettra de dégager un calendrier des négociations et la liste définitive des invités. Nous reviendrons également sur le calendrier prévu pour ces entretiens que mène jusqu'à jeudi l'équipe de la facilitation et des envoyés spéciaux de la communauté internationale. Et le Sénat rappelle qu'il est la seule institution chargée du contrôle de la mise en application de l'accord de paix d'Arusha et de jeunes femmes parties chercher du travail à Oman appellent au secours. Elles subissent des menaces de mort et une d'entre elles a été déjà assassinée. Dans les nouvelles des Provence, le carburant manque à Rumonge et Ngozi. Ce sont les devises qui font défaut à Gitega. Les prix des boissons de la Brarudi ont augmenté sans que l'on sache qui a pris cette décision. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Eric Ouiman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, le bureau de la facilitation dans les pourparlers interburundais qui se sont ouverts à Arusha en Tanzanie a finalement annulé la séance d'ouverture solennelle du deuxième round. Pour poursuivre l'agenda de la journée par des consultations de groupe, il faut dire que les travaux n'ont pas réellement commencé, le gouvernement ayant saboté la cérémonie d'ouverture et pour cause la présence des personnes que le gouvernement de Bujumbura considère comme des présumés putschistes. C'est notamment des membres du CNRED, du mouvement HALT au troisième mandat, Jacques Bigirimana, un des représentants des partis politiques ayant participé aux élections de 2015, explique que lui et ses collègues ne sont pas entrés dans la salle. Mais c'était pour contester la participation des confessions religieuses et de la société civile. Suivez Jacques Wigirimana, il est président du FNL, reconnu par le ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas eu de cérémonie parce que le gouvernement n'avait pas répondu aux cérémonies d'ouverture. Même les partis politiques ayant participé aux élections de 2015 n'ont pas également participé dans les cérémonies d'ouverture. C'est-à-dire que ces cérémonies, alors, n'ont pas eu lieu. Alors, pourquoi c'est le gouvernement et les partis qui ont participé aux élections n'ont pas pu participer dans ces cérémonies d'ouverture? C'est parce que nous avons vu des gens qui étaient poursuivis par la justice burundaise participer dans ces pourparlers. En l'occurrence, Pacifique Nina Hazoué, Armée Nyongere et autres. De deux, nous avons demandé à ce que la société civile ne participe pas dans des négociations à caractère politique. Nous avons souhaité que la société civile soit invitée en tant qu'observateur, de même que les églises. C'est ça ce qui a fait que nous, en tant que parti politique qui ont participé aux élections, nous ne participons pas dans ces activités qui étaient prévues. La société civile a participé dans les négociations qui se sont déroulées à Arusha, qui ont abouti aux accords d'Arusha de 2000, mais également avec le début de ce dialogue, la société civile a toujours été invitée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Est-ce que ce n'est pas une forme de sabotage de ce dialogue? Pas du tout. Vous savez, à Arusha, oui, la société civile avait été invitée en tant qu'observateur. Et puis, nous ne pouvons pas refuser le dialogue. La voie du dialogue est la seule voie pouvant nous amener à la paix. C'était Jacques Bigirimana pour le professeur Évariste Ngaï Menda. C'est regrettable d'entendre que le gouvernement refuse de s'asseoir avec certains protagonistes au conflit burundais. D'après des sources concordantes proches de la je crois que le gouvernement n'aurait pas accepté de s'asseoir ensemble avec des gens ou des groupes qui l'accusent de ceci, ceci, cela. De notre point de vue, je pense que c'est une erreur d'approche. Et s'il y a problème, c'est qu'il y a nécessité que les uns et les autres s'assoient ensemble et s'accusent et s'écoutent. Surtout que ce n'est pas pour la première fois que des gens ayant des poursuites judiciaires, ayant même été jugés, s'assoient dans un processus de négociation. Et ce n'est pas seulement au Burundi, ça c'est dans l'histoire des négociations. Et nous espérons toujours que d'ici demain, le dialogue va commencer dans le format qui était prévu, sinon ça serait regrettable. Nous apprenons aussi qu'il y a certains membres du Senared qui maintenant sont désavoués jusqu'à présent et d'autres qui n'ont pas été invités. Quelle est votre lecture? C'est pareil, il y aurait effectivement des gens du Senared qui auraient été bloqués, qui n'auraient pas pu accéder à la salle. Mais encore une fois, le Senared est une partie au conflit. Si le dialogue n'est pas inclusif, on risque d'aboutir à un résultat divisé. Et l'idéal, ça serait justement que tout le monde soit là. Si on est dans une situation de contentieux, c'est tout à fait important que les protagonistes soient là. Le professeur Évariste Ngaï Menda, qui se trouve à Arusha pour le compte du parti Uprona, elle, Charles Nditigé. Après donc l'incident, la médiation a décidé de poursuivre le calendrier de la journée. Je vous le disais, par des consultations en groupe, en commençant par une rencontre avec la délégation gouvernementale qui a eu lieu en début d'après-midi. Il s'agit donc pour le facilitateur de convaincre les unes et les autres parties de s'accepter autour de la même table de discussion. L'exercice se fera par groupe et durera 3 jours, suivant un calendrier que nous détaille Joseph Sabiamandi. Selon le calendrier sorti ce mardi par le bureau du médiateur, les cérémonies d'ouverture de la seconde session des pourparlers d'Arusha étaient prévues à 10h. C'est 11h, heure de Bujumbura. Ce sont des discours du représentant de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et du médiateur qui devaient marquer l'ouverture de ce deuxième round d'Arusha. Toujours dans l'avant-midi de ce mardi, il était prévu des consultations entre la facilitation et le gouvernement du Burundi et ses alliés. Sur l'agenda, on peut lire que des consultations avec d'autres partis politiques d'une part et celles avec les confessions religieuses d'autre part sont prévues dans l'après-midi. Selon toujours le calendrier de la médiation, mercredi avant midi, il est prévu des consultations d'abord avec le médiateur et l'opposition en exil et après entre lui et les représentants du gouvernement du Burundi. L'après-midi est réservé en premier lieu aux consultations entre le bureau du médiateur et les représentants des femmes, des jeunes et de la société civile, et entre le médiateur et d'autres acteurs politiques d'autre part. La session de clôture de ce dialogue, essentiellement dominée par des consultations, est prévue jeudi dans l'avant-midi. Merci Joseph. Nous vous parlons depuis quelques jours du manque de carburant et même à Rumonge aujourd'hui. Le manque de carburant, d'essence surtout, a perturbé la pêche. Le soir de ce lundi, environ 2/3 de bateaux de pêche sont restés à la plage par manque de carburant. Gabriel Boutoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons Burundi, demande à l'administration provinciale d'arrêter des mesures pour que l'essence soit disponible dans toutes les stations-service de la ville de Rumonge. Et le gouvernement burundais affirme que le carburant est suffisant sur le territoire national. Il ne compte pas croiser les bras face à des stations ou des sociétés qui ne distribuent pas ce produit. Lors d'une réunion tenue ce mardi par le ministre en charge de l'énergie et mines, à l'intention des pétroliers, les détenteurs des stations ont suggéré que si le gouvernement se concertait avec les importateurs, il n'y aurait plus de pénurie de ce produit. Léon Svitalio. Dans cette réunion, les commerçants ont indiqué qu'ils ne sont responsables en rien pour la pénurie observée de carburant. Ils appellent le gouvernement à bien se parler avec les importateurs. Le problème sera vite résolu. Si vous pouvez vous asseoir avec ces importateurs, vous pouvez trouver la solution. Sans se voiler la face, ceux qui sont carburant, qui l'amènent à Bujumbura, il y a des entrepôts. La société Engen ou Kobi ont de gros entrepôts qu'on y mette ce carburant. On sera tous servis. Il n'y aura plus de rupture de stock d'emblée. C'est ça la vraie cause. Ces détenteurs de stations-service se renseignent qu'il y en a parmi les sociétés importatrices qui refusent de leur fournir du carburant, arguant qu'ils n'ont pas de contrat qui les relie. Des stations tarissent alors que le gouvernement, via le ministre de l'Énergie et Mines, voudrait qu'elles s'approvisionnent à ceux qui en ont encore. De leur côté, les importateurs évoquent notamment le manque de devises à l'origine de la pénurie. Il arrive qu'un fournisseur soit dépassé par les arriérés quand on a des factures qu'on n'a pas encore payées. Je pense que cela est dû au manque de devises, c'est l'un des facteurs de la rupture. Le ministre Koman Rakiza, ayant l'énergie et mines dans ses attributions, ne le trouve pas ainsi. Les devises, il y en a, seulement les importateurs n'en reçoivent pas comme ils le voulaient, au même degré non plus, car ils n'ont pas les mêmes capacités d'importation. Nous avons fait des statistiques à partir du 1er janvier 2015 jusqu'à Fin mai 2016, nous avons donné les devises en fonction des importations déjà opérées pendant cette période-là. L'Interpétrole a eu 50%. En second lieu, c'est la société Kobil qui a eu 20%, Delta 10% et les autres ont suivi en fonction toujours des approvisionnements. Le ministre de l'Énergie et Mines, comme Manila Kiza, dit ne pas accepter qu'il y ait des stations qui ne fournissent pas le carburant. Le gouvernement pourra y mettre le sien en vue de continuer et attendre le nouvel approvisionnement propre de la station. Pour lui encore, même s'il y avait pénurie sur telle ou telle station, la marge de tolérance ne doit pas dépasser une seule journée. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Santé, à présent, une activité de dépistage de la masse nutritionnelle sera organisée pour les enfants de 6 à 59 mois à mairie de Bujumbura dès la semaine prochaine. Comme l'a annoncé ce mardi, Dr Akindavi Cléophile, il est médecin provincial en mairie de Bujumbura. C'était au cours d'une réunion de sensibilisation à l'endroit des administratifs. Les enfants mal nourris seront référés au centre de santé pour une prise en charge adéquate. Placide Niyomongere. Cette maladie de malnutrition s'observe à Bujumbura comme à l'intérieur du pays, comme le confirme Madame Akindavi Cléophile, médecin provincial à mairie de Bujumbura. Et la pauvreté est à l'élément moteur de cette dernière. Les gens n'ont pas quoi nourrir les enfants. Il y a le chômage, les familles qui sont nombreuses, qui ont beaucoup d'enfants. C'est tout ce que je dirais on peut remarquer en mairie de Bujumbura. Et c'est d'ailleurs ça qui motive ce dépistage pour avoir des chiffres réels de l'état de la malnutrition en mairie de Bujumbura. Ce dépistage de l'état nutritionnel pour les enfants de 6 à 59 mois sera mené par les agents de santé porte à porte et ne concerne que la levée de données du périmètre brachial. D'après Dr Akindavi Cléophile, cette activité ne doit pas faire peur aux parents. Qu'ils soient sans crainte parce que le dépistage va se faire par mesure du périmètre brachial. Rien que ça, donc c'est pas nocif et les agents de santé ce sont les gens qui sont connus, donc il n'y a pas de crainte que la population réponde favorablement. Après cette enquête, les enfants qui souffrent de la malnutrition seront référés au centre de santé pour une prise en charge adéquate. Elle appelle à cette fois les parents à accueillir les enquêteurs à bras ouverts. Signalons que cette activité de dépistage de la masse nutritionnaire à mairie de Bujumbura va débuter la semaine prochaine et durera 9 jours. Une personne est morte, trois autres blessées, dont deux grièvement. Cela s'est passé à Kabunguru, sur la colline Mwangé, en commune et province Rumongue, ce mardi matin. Ces personnes qui étaient à la recherche du Tifa ont été attaquées par un hippopotame, selon des sources policières à Rumongue. Leonidas Nzigiyima, responsable des aires protégées dans le sud du Burundi, appelle aux riverains du lac Tanganyika d'être prudents lorsque ils opèrent dans des zones abritant de tels sauvages. Deux personnes ont été tuées cette nuit, l'une par grenade, une autre poignardée dans les communes de Mugina et Bukinanyana de la province de Cibitoke. Elles ont été tuées par des gens non encore identifiés. L'administration et la police disent avoir commencé les enquêtes. Grogne maintenant des importateurs de la province Ngozi suite au manque de devises ces jours-ci dans les bureaux de change de cette province. Un dollar américain se vend actuellement à 2450 francs bouts à l'intérieur de ces bureaux de change, alors que sur le tableau d'affichage, il est marqué 1665 francs bouts, un taux de la Banque centrale. Apollinaire Mozagara. Les commerçants qui importent des marchandises principalement de Kampala en Ouganda ou de Dubaï se lamentent comme quoi ils sont trompés par les propriétaires des bureaux de change. Sur le tableau d'affichage, un dollar américain s'achète à 1642 francs bouts et se vend à 1667 francs bouts en temps selon eux de la Banque centrale. Arrivée à l'intérieur de ces bureaux de change, cette monnaie américaine est vendue entre 1450 francs bouts et 1460 francs bouts. Et là aussi, l'opération se fait à quelqu'un qui est connu. Sinon, on te répond qu'il n'y a pas de devise. Contacté à propos, certains des propriétaires de ces bureaux de change préfèrent le silence et d'autres répondent qu'ils n'ont pas de devise, arguant que là où ils s'approvisionnent, c'est-à-dire dans les banques, on ne donne que la même réponse. Certains des banquiers dont on dit indiquent que le dollar américain se vend légèrement à 1700 francs bouts, mais ajoutent en cas de disponibilité. Cette monnaie étrangère est disponible à compte-goutte dans nos banques, explique-t-il. Parmi multiples raisons avancées, le transfert de devises d'une personne morale dans la banque centrale. Donc, aucune ONG n'est autorisée à ouvrir un compte de devises dans une banque, sauf celle de la République du Burundi. Les commerçants importateurs déplorent donc le tarissement des clients qui ne sont pas conséquents de grimpe. Donc, aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. On revient à mairie de Bujumbura pour parler de cette grogne de certains habitants de la ville de Bujumbura qui se plaignent au sujet de l'introduction de nouveaux cahiers de ménage qui s'achètent à 2000 francs burundais. Ces habitants disent que ces cahiers coûtent cher vu leur pouvoir d'achat et se demandent à quoi servent les cahiers qu'ils avaient remplis auparavant. Les détails avec Didier Nyonzima. Ces habitants disent qu'ils ne voient pas le bien fondé de ces nouveaux cahiers de ménage. Pour eux, les dirigeants devaient faire plus qu'une introduction de ces nouveaux cahiers. La sécurité ne doit pas se trouver dans les cahiers, mais la sécurité devrait se trouver dans la mentalité, dans les actes de la population, dans les actes des gouvernants et des gouvernés. Ils amènent encore une fois un carnet qui coûte 2000 francs. Moi, je qualifierais d'ajouter le drame au pire. Ils disent également que ces cahiers coûtent cher, étant donné la misère que connaissent les familles actuellement. La population n'a rien à manger. Il y a des ménages qui ne savent même pas acheter un kilo de sucre qui maintenant commence à augmenter, enflammer, pour que les enfants boivent, prennent du thé le matin. Et au lieu que les gouvernants se focalisent pour étudier des questions aussi fondamentales que nourrir la population, voir comment la population puisse s'en sortir dans cette crise financière, ils parachutent encore une fois des carnets, comme quoi ce sont des carnets pour question de sécurité. Ces habitants demandent que l'introduction de ces nouveaux cahiers de ménage soit arrêtée. Et Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, affirme qu'ils ont pris la décision d'introduire ces nouveaux cahiers après consultation avec les membres du Conseil de sécurité, et cela parce qu'ils avaient, avaient remarqué des lacunes dans les anciens cahiers. On marque une courte pause et nous parlons de ces filles burundaises qui ont des difficultés à Oman. La radio de l'avenir. Je vous l'avais dit dans les titres, trois filles de nationalité burundaise lancent un cri d'alarme à leur famille et à la police nationale du Burundi. Elles affirment qu'elles sont en danger de mort à Oman, où elles sont allées chercher du travail. Elles sont emprisonnées dans un lieu où elles attendent d'être tuées si elles parviennent pas à payer l'argent que leurs patrons ont payé pour les recruter. Une Burundaise qui était partie avec elles a été déjà assassinée. Le point avec Marie-Ange Nzeiman. Les trois filles burundaises disent qu'elles ont été trompées pour aller dans ce pays. Elles croyaient qu'elles allaient chercher la vie à Oman, mais le travail qu'elles espéraient avoir n'est pas celui qu'elles ont eu. Elles témoignent de leur menace de mort. Je m'appelle Bandiatuyaga Noël. Je vivais à Gatumba. Avant, j'habitais le quartier Buyanzi. Nous sommes passés au Rwanda pour partir. Je vous demande de plaider pour nous et pour les autres qui sont en train d'être trafiqués. Moi, je m'appelle Ndayishimiye. Je travaille à Oman. Je suis partie le 7 juillet 2016. Arrivée ici, j'ai commencé le travail dans une famille arabe. Le travail d'ici est trop dur. Il n'y a pas de repos. On travaille tout le temps. Je lance un cri d'alme parce que je suis menacée. Hier, j'ai été conduit dans un endroit inconnu et par une personne que je ne connais pas non plus. Une autre fille que j'ai rencontrée ici est déjà morte. Une autre est déjà devenue folle et pour nous, nous devons payer l'argent que notre patron a payé pour nous faire venir ici. Nous ne pourrons pas trouver cet argent, nous serons tués. La police, dès qu'elle est déjà à l'œuvre pour venir en aide à ces filles burundaises, le porte-parole de la police, Pierre Nguliki. Vous avez entendu que ce sont des messages, vraiment, ce sont des alarmes déjà qui sont en danger de mort. Les services concernés, à l'occurrence l'unité chargée de la protection des mineurs et des mères, est déjà saisie et est en train de faire tout le nécessaire pour qu'on puisse secourir ces Burundaises. Et attend. D'abord, le secours contre la mort qui est imminente d'après ces messages. Et après, faire tout possible à travers les relations internationales, faire tout le possible pour qu'on puisse les rapatrier dans le pays. Les différentes organisations de défense des droits humains avaient toujours à dénoncer le trafic des filles et femmes burundaises en Arabie Saoudite et à Oman. Merci, ainsi se refait moi ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que le bureau de la facilitation dans les pourparlers interburundais qui se sont ouverts à Arusha en Tanzanie a finalement annulé la séance d'ouverture solennelle du deuxième round pour poursuivre l'agenda de la journée par des consultations de groupe. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco d'Ouimana, une bonne soirée.